la micaouette me fait la tête. Cacahuète, la petite Noé veut plus me parler. Canoë, la micao, ma mica. Petite Ramel m'est infidèle. Caramel. Monsieur Hannibal me mine le moral. Caliban. Mamselle son long me traite de con. La micaouette me fait la tête. Cacahuète. Mamselle Jibi me traite d'abruti. Cajibi. La micouchou me jette des cailloux. Mamselle Binet, c'est de Binet. Oh. Cabinet. Le petit Mambert me jette des pierres. Camembert. Mamselle Lamarde, moi en a marre. Me fait la tête. Cacahuète. Mamselle Ramba ne veut plus que je la voie. Kawamba. Monsieur Nasson me donne du bâton. Bonjour, on est à la radio Guimauzo, les ados. Merci Camille. Tout le monde va bien? Oui. Oui, alors tout le monde est là, les habitués. Mais allez, on se présente quand même. Hein. Qui est à ma droite? Bonjour, je m'appelle Juliane. Timothée, bonjour. Oui, en technique, nous avons... Bonjour, je m'appelle Steven. Oui, tu es avec qui, Steven? Marc. Et il y a que Marc, là? Cassandra. Cassandra. Oui. Voilà, eh bien, bonjour à Marc, bonjour à Cassandra. Bonjour. Alors, attends, j'ai pas entendu, tu sais... Zinedine. Ah, vas-y, répète. Zinedine. Vas-y. Zinedine, voilà. Ah, c'est ça, t'avais la voix rouée. Zinedine, voilà. La semaine dernière, tu l'as dit mieux, hein. Zinedine. Zinedine. Zinedine. Aujourd'hui, c'est Eddie, hein, voilà. Bon. Je m'appelle Camille. Voilà, Camille qui a présenté. Et Christopher. Et Corinne. Alors, qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui? Ah, rien. Guacafi. Café. Oui, que Zinedine a fait double café à Corinne. Ah, il y a un fait divers, là. Café, le meurtre du café de Corinne. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avant de partir? Eh ben, Zinedine, ça fait un spray, il s'est occupé de Timothée, du coup, il a renversé le café à Corinne, et Corinne, elle s'est énervée. Va dans le couloir. Non, non, est-ce que j'ai parlé comme ça? Non. Non, il faut pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Elle dit, va dans le couloir, va te préparer. J'ai dit, va te préparer dans le couloir. Et Timothée? Pareil. Voilà, alors que Timothée était là, il observait, il était toujours pas habillé. Alors donc du coup, voilà. Corinne, elle est triste un petit peu. Pourquoi? Pour ton café. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est incroyable, ça, hein, tous les propos que vous me prêtez. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit à Zinedine? On va t'habiller dans le couloir. Non, j'ai dit quoi aussi? T'es pas préparé, on part sans toi. Non. Oui, ça j'ai dit aussi, oui. Mais. C'est incroyable! J'ai dit que ce n'était pas grave. Le café partait. Qu'est-ce qui aurait pu être grave? Qu'est-ce qui aurait pu être grave? Casser la tasse. fous la tasse. Non, c'est pas ça le plus grave. Ah, de renverser les... Sur les livres de la médiathèque. Sur les papiers. Parce que sur la table, il y avait les livres de la médiathèque. Oh. Et les livres de la médiathèque, ils ont eu chaud. Hein? Très sourd. Hein. Donc renverser une tasse, c'est pas grave ça en soi. Mais c'est surtout que ça n'abîme pas des choses autour. Et qu'on a repéré, payé, quoi. Ah, il faut toujours payer avec toi, Christophe. On a payé 3000 euros. Les... Voilà, donc ça c'était le fait divers avant de partir. Hein. Oh là là. Et après, on a fait un mur. Zinedine, tu peux rire parce qu'au moment-là, tu rigolais pas. Hein. Ah, hein? Tu t'es dit à quel saut je vais te manger, là. La douce ou la forte? Mais là, tu t'en sors bien parce que tu rigoles. Hein. Donc ça va. Hein. Alors, de quoi vous aviez parlé vendredi à la préparation? Moi, j'avais plein de trucs. Pas quoi. Alors, Juliana, elle fait son air soupçonneux, comme si on n'avait rien dit du tout. Moi, je sais qu'est-ce qui s'est passé, je vois là. Ah, tu sais. Deux policiers étaient condamnés. Tu peux parler dans le micro, Christophe. Deux policiers étaient condamnés pour avoir volé une touriste. Pour avoir volé? Non, violé. Ah. Violé. Une touriste. Une touriste. Canadienne, je crois. Une canadienne. Et puis alors? Ils sont en prison là, ils ont pris 7 ans. 7 ans. Prison ferme. Mmh. Et alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Pas bien. Quoi qui est pas bien? Les 7 ans de prison ou le viol? Le viol. Ah, le viol. Mmh. Parce que les 7 ans, c'est normal, non? Ah oui. Bah oui, hein. Attends. Il y a Timothée qui veut dire quelque chose. Oui. Il y a une femme qui a brûlé un immeuble. Ah, alors ça, c'est récent. Et excusez-moi, je vais vous couper parce que là, je me suis un peu emballée. Et vous savez ce que j'ai oublié? Non. Qu'est-ce qu'on a oublié? Chanson mystère. Eh ben oui. On est déjà dans les infos alors qu'on n'a même pas passé la chanson mystère. Chanson mystère. Alors la dernière chanson mystère, c'était celle de Juliana. Année 80. Nuit de folie. Ben oui, Marc, on a zappé la chanson mystère. Et aujourd'hui, donc, c'est Zinedine qui a choisi la chanson mystère. Donc on dit rien. Hein. Ben tu dis c'est quoi? On va pas le dire. Hein. Et c'est la numéro 170 sur la clé. Allez, c'est parti. Oui, Seigneur. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois, je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. À ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'il t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. C'est simple, sois juste heureux, si tu le voulais tu le serais. Voilà, voilà, la chanson de Zinedine, en chanson mystère. Zinedine, tu peux enlever ton casque. Ah, oh, j'adore Zinedine. Oui. T'es parti où, là, Zinedine? T'es en Roumanie. Il n'était plus avec nous. Ah, hein. J'adore Zinedine. Alors, Timothée, on va repartir sur toi, là, parce qu'on t'a un petit peu coupé du fait qu'on n'avait pas mis cette fameuse chanson mystère. Qu'est-ce que tu étais en train de nous dire? Tu peux répéter? Une femme, il a mis le feu à un immeuble. Voilà, il y a eu un incendie, c'était où? Je sais pas. Paris. Merci. À Paris, oui. Dans les infos. À Paris. Alors, est-ce qu'on est sûr que c'est cette dame-là qui a mis le feu? Oui, j'ai des infos. Elle est suspectée déjà, mais... Elle est bientôt suivie. Marc, il a l'air de dire que... Bon, si... Ouais, ça doit être fou, quoi. Si, j'ai écouté, mais bon, j'avais pas l'air. Elle est à l'hôpital psychiatrique là en ce moment là. Elle est à l'hôpital psychiatrique. Oui. Elle sortait d'un séjour. Oui. Et après, elle était retournée parce qu'elle a cramé. Elle est sortie de séjour, elle est retournée à Millefeuille. Ouais. Alors, pourquoi elle était fâchée, la dame là, vous avez entendu? Oui, je crois que c'était un peu une dispute à ta voisin, je crois. Oui. Et puis le voisin, c'était quoi son un métier? Pompier. Un pompier. Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mis des sens partout. Non, mais pourquoi elle était fâchée? Parce qu'il avait effacé le pompier, là. Il avait effacé. Fâché. Fâché. Oui, oui, mais pourquoi? Parce qu'ils se sont disputés, je crois. À cause de quoi? C'est pas le pompier qui lui avait dit de baisser la musique? Ah oui, ça propose la musique, là. Timothée, tu donnes une info, ce serait bien que tu te mettes avec nous. Oui. Oui? Alors, le résultat de l'incendie, là, c'est quoi? C'est que les pompiers, ils lancent des... Ils ont lancé quoi? De l'eau. De l'eau, oui, oui. Oui. Il y a eu 10 morts et 22 blessés. Ouais, et dans les 10 morts, là, il y a... Un pompier. C'est 8 pompiers. 8 pompiers. Entendu-moi ce matin, 8 pompiers. C'est pompiers. Parce que l'immeuble était très difficile d'accès. Oui, j'ai entendu ça. C'était très compliqué. Ils ont des gros camions, là. C'est quand même triste, hein. Ah oui, il y a pompiers, oui. 6 pompiers, moi. Toi, tu dis 6. Bon, on va dire quoi? Qui dit moins, qui dit mieux? Mais c'était quand même 8, Zinedine. Et puis Corinne, et celui qui s'est disputé avec la dame, il est aussi mort? Ah, ça, je sais pas, Juliana. Non. Je sais pas. Elle va être au sujet, la dame, elle va être au sujet, je crois. Elle va quoi? Au juge, là, je crois bien. Elle va passer chez le juge. Oui. Oui, mais elle va peut-être être reconnue... Coupable. Bah, non coupable, oui, si elle n'est pas trop bien dans sa tête. Ah, mais si elle a fait ça, qu'ils vont dire non coupable, elle va recommencer. Hein. Elle va recommencer. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mettre en prison. La mettre en prison. Voilà. Oui. Oui, mais la dame-là, elle a peut-être besoin de soins. Ou sinon, elle reste à l'hôpital psychiatrique. Ah, elle reste à l'hôpital psychiatrique. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, hein, mettre le feu, comme ça, volontairement, c'est très grave. Mais de fou, appelle en prison. Hein. Voilà, il ne faut pas s'amuser avec le feu. Mais de fou. Qu'est-ce que tu dis, Zinedine? Mais de fou, Zinedine, un fou, mais c'est moi. Le feu à la maison? Oui, non. Mais il n'y a pas eu le feu chez toi. Mais non. Tu veux bien lâcher le... Non. Bah non, voilà. Je crois, c'est fou. Est-ce que vous avez déjà vu un incendie? À la télé, oui. À la télé, oui, mais... Non. Non. Personne? Non. Steven, t'as déjà vu un incendie? Je crois que c'était à Épinal. Oui. Et une voiture qui avait pris feu à une côté voiture. D'une maison. Ah ouais. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Moi, j'ai jamais vu un incendie, moi. Moi, voilà. J'en ai aussi. Eh ben, Timothée, on va rester sur toi. T'as une autre info? Non. Tu veux bien enlever les doigts de ta bouche pour parler, Timothée? Voilà. Tu as une autre info? Non. Mais c'est bien que tu aies apporté celle-là. En plus, elle est toute fraîche. Oui. Hein? Voilà. Ensuite, alors, les infos. Qui? Strasbourg reçu Donald du monsieur, là. Alors, vas-y, Christophe. Strasbourg reçu Donald du monsieur, là. Comment il s'appelle, là? Ah, c'est plus le nom. Bon, le monsieur. Un monsieur. Ouais, qui a reçu une flashball dans les yeux. Oui. Et tu as dit que c'était... Un flashball. T'as pas dit que c'était les représentants des Gilets jaunes? Voilà. Un représentant, oui. Et après? Vous avez dit qu'il y avait aussi une enquête en cours, tu sais, qui a tiré, il a poussé qu'avoir tiré de son flashball, là. Alors, pour savoir quoi? Si le CRS a fait exprès ou pas? Oui. Puis alors, t'as des nouvelles depuis vendredi, là? Non. T'as pas de nouvelles? Il parle beaucoup de l'incendie, alors. Attends, Marc, il a peut-être des nouvelles. Non, Marc, il a pas de nouvelles non plus. Moi aussi. Oui, ah, Timothée, vas-y. Il y a des gens qui ont retrouvé l'avion craché sous l'eau. Oh là là, Timothée, aujourd'hui... Allez, vas-y, Timothée, explique. Ils ont trouvé un bout d'avion. Non, c'est l'avion entier. Oui, l'avion entier. C'est pas Timothée qui a la parole, là? Chut. Il dit un bout d'avion, moi je dis là, tout l'avion entier. Vas-y, Timothée. Il a retrouvé l'avion entier. Ils ont retrouvé l'avion, et puis alors? Bah... Qu'est-ce qu'il y avait dans l'avion? Chut. Un ballon, tu dis, toi? Non, il est... Un corps. Corps, voilà. Un corps? Un oui. Corps. Qu'est-ce que tu dis, Timothée? Qu'il y a eu un corps. Un corps? Alors le corps de qui? On sait pas. C'est quoi? Alors, au départ, qui c'est qui était recherché? Le footballeur. Voilà. Donc, qui c'est qui peut y avoir dans l'avion? Le pilote. Le pilote et... Le footballeur. Il avait qu'un corps, ils ont oui. Dit. Quel corps, ils ont dit. C'est soit le corps du pilote ou soit le corps du footballeur. J'ai vu les images, l'avion, dans l'eau, au fond de l'océan. Puis il y avait des poissons, alors, dans l'avion. Oui, poissons. Il y avait des poissons. Ils se sont peut-être régalés, peut-être. Tu as vu les images à la télévision, Timothée? Des jeux de ballon. Non, c'est un... Ballon. C'est où que tu as entendu ça? C'est maman qui l'a dit. Maman. Parce que toi, t'as pas regardé les infos, t'as pas écouté. Alors, en plus, c'est maman qui écoute les infos pour toi. Écoute. Ah, Timothée. Bon, écoute, voilà, c'est bien que tu l'aies dit à la radio. Mais moi, j'aurais bien aimé que ça vienne de toi. Hein, oui. Timothée? Oui. Bah oui. Alors, ensuite... Les autres infos. Les produits, elles mentent. La nourriture. Tu veux bien articuler quand tu parles? Désolé, c'est pas trop vite. C'est la nourriture qu'elles mentent. 1000 produits, elles mentent. Qui grimpent, je veux dire. Oui. Il y a une pucère. Il y a une pucère, voilà. Voilà. 1000 produits qui ont augmenté. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Ouais. L'impact sur le budget. C'est chiant. Vous le ressentez pas trop, mais je pense que vos parents, si. Porte-monnaie, le porte-monnaie. Voilà, le porte-monnaie, oui, ça va faire mal au porte-monnaie. Oh là là. Et Corinne, quand tu feras tes courses... Corinne, Christopher, ta maman, elle va pleurer. Corinne aussi va pleurer. Pour les sous. Oh, mais oui, après, tu sais, tous les trucs qui augmentent, là... Il était là. La pâte à tartiner, les céréales, le lait. Le lait, on en boit beaucoup de lait. Les yaourts, moi, c'est tous les trucs, ça... Tu manges jamais les yaourts, toi? Bon, pas plus que ça. Le coca, voilà. Le savon. L'alcool. Et bon. Donc ça va, hein? C'est 1000 produits qui... Oui, ça fait beaucoup de produits. Est-ce, Corinne, t'imagines, tu feras quoi si le café remonte, le café? Ah, le café, je serais malheureuse, hein. Voilà. Hein? Sans café, sans café, là. Alors,

passe pas des chansons où il y a des insultes. Oui, c'est vrai, un seul insulte. Non, deux fois. Deux fois ? Non, je l'ai écouté, hein, et je t'assure que j'ai bien fait. Le dernier coup, elle nous l'a fait écouter, voilà. Lundi. Ah, oui, je me rappelle, on peut être surpris des fois, hein, par les choix, Christopher. Une fois. Oui, mais on a pu repasser. C'est pour ça que maintenant, je fais attention à ce que vous choisissez. Non. Oui, Timothée. Moi, j'ai déjà choisi ma chanson pour l'autre fois de la radio. Ouais, mais vous évitez les chansons qu'on a déjà passées. Essayez d'apporter des nouveautés, hein, Timothée. Oui. Est-ce que tu pensais repasser une chanson que tu as déjà passée? Non. Ah. Pas plus. C'est bien. Ah, vas-y. Je te dis, Zinedine. M. Pokora, allez les bleus. Allez, mais bleus, ramenez la coupe. Mais top. Oui. Mais celui-là, c'est pas le même. C'est une autre chanson. Mais du même groupe. Non. Ah. Eh ben, tu penseras à la porter vendredi. Oui. Voilà, qu'on écoute. Oui. Et les autres, donc je vous conseille d'apporter des chansons vendredi. Il faudra sur la toilette, t'inquiète pas. Hein, je vais pas faire tout le boulot pour vous. Moi, je pourrais. Les chansons, ce sera sur le CD. Moi aussi, sur un CD, je crois. Je pourrais des CD différents. Et Camille, t'as des CD chez toi? Oui. Ah, tu peux apporter aussi. Moi aussi. Steven, et puis Zinedine, t'as de la chanson chez toi? Non. Eh ben, tu pourras choisir sur un CD de tes camarades. Je prendrai les T'es chansons. D'accord? Oui. Je prendrai les chansons des années 80 pour faire plaisir à Christopher. Oh non! Ah non, je prendrai une vieille musique, très vieille musique. Il y a des vieilles musiques qui sont bien. Bon, top, on passe au sujet suivant, c'était Juliana. Les intempéries, Juliana, tu nous avais parlé des intempéries. Est-ce que tu peux te redresser? Voilà, et parler dans le micro. Pas la France, mais dans un autre pays, il y a beaucoup de neige, ils peuvent même plus sortir, même plus aller à l'école. Oui. Est-ce que tu te rappelles du pays? Non. Parce que même, par exemple, aux États-Unis, il y a des fortes chutes de neige aussi. Je ne me rappelle plus du pays. Et puis en Australie, il fait très très chaud, 48. Oui. Et puis là aussi, il fait beau. Où? Là. Toute l'après-midi, il va faire beau. Ils ont dit 5. Oh ouais. Oui, après-midi, il va faire beau. Hein. Il va falloir profiter du soleil. Moi, je sors, courir. Tu vas jouer au ballon, c'est bien. Moi, je sors. Toi, tu sors. Moi, je vais donner mes livres. J'allais jouer au... Je vais faire du vélo. Ouais. Moi, je vais donner mes livres. Oui. Et moi, j'ai un bol de céréales. Et Timothée, est-ce que tu veux aller te balader après-midi? Ah, creuse la Bresse. Je pense à jouer au ballon. Ballon. Oui. Mmh. Et toi, Corinne? Oh, bah, je vais certainement sortir. Je ne vais pas rester enfermée. Hein? Sauf, je vais regarder mes livres, arrête. Oui, mais les livres, tu as le temps de regarder ça le soir. Je mange un bol de céréales. Il doit y avoir plein de monde à la Bresse, là. Mmh. Avec le temps là, en plus, il y a de la neige. Mmh. Non? Tu vois pas les gens dans la rue, toi? Mais on bloque. C'est-à-dire que les gamins sortent, tout sort. Oui, mais tu vas pas te promener dans le village? Non, tout le temps. Non, pas tout le temps. Sauf quand tu fais les courses. Voilà. C'est loin, c'est loin. Temps, c'est moi qui en ai fait. Corinne, ça sert à rien qu'il y ait de la neige chez lui, mais qu'il sort pas. Tu sais quoi, tu sors de la neige? Ah oui, tu vois ce qu'elle dit, Juliana? Ça sert à rien d'avoir de la neige à la Bresse, au mieux qu'il y ait dans notre pays. Mais tu sais quoi, tu sors de la neige? Bah voilà, alors je dirais à la météo, plus de neige à la Bresse. Voilà, vaut mieux qu'elle tombe ailleurs, hein? Non, mais c'est tout seul, c'est moi. À Rochesson, tiens. Ouais, à Rochesson, parce que moi, j'adore la neige. Ah bah, à Rochesson, il y a de la neige aussi. Hein? Oui. Ainsi que moi, quand il y a de la neige, je cours dehors. Ah, moi, elle profite de la neige. Moi, je suis tout seul dehors. Moi aussi, je suis toute seule. Bon, alors, à la Bresse, c'est même plus la peine qu'il y ait de la neige, du soleil et tout ça. Est-ce que Christopher, il sort pas? Regarde, hein? Que de la pluie, que de la pluie. C'est que de la pluie à la Bresse, tiens. Que de la puce, c'est Juliana. Tu sais, avec les vacances qui arrivent, là, ce serait quand même bien dommage qu'il n'y ait pas de neige à la Bresse, parce qu'il va y avoir des touristes, hein. Du monde. Est-ce que toi, tu vas avoir de l'argent parce qu'il y a des touristes à la Bresse? Mais vont être des DVD, peut-être. Des quoi? Des DVD. Tu vas vendre des DVD aux touristes? Ouais, des DVD à moi. Tu vas faire un vide-grenier à la Bresse? Ah ouais. Je veux dire, qui veut un DVD? Ah oui. Eh, Zinedine, tu ris, toi. Je pense mais... pas qu'ils vont dans tes DVD. Mais à Gérard May, il y a de la neige aussi. Et tu penses à avoir de la caillasse? Non. Il y a pas, alors, Zinedine, tu peux pas dire qu'il y a pas de neige à Gérard May. Ça, c'est pas vrai. Christopher, il y a de la neige. Christopher. Et puis, il y avait, s'il vous plaît, vous voulez bien, et il y avait Fantasticar aussi à Gérard May, là. Est-ce que tu y es allé? Non. Vous savez ce que c'est, le Fantastica? Non. Ouais, c'était des films, je crois. Ouais, des films. C'est terminé dimanche. C'est nul, ça. Non, t'as pas été. C'est nul, le film. C'est nul. C'était privé, quoi. C'est que des trucs, c'était privé. Non, non, non. Et il y a quelques années, l'IME y allait, à Fantastica. Et puis, les... quand on emmenait des jeunes avec nous, bah, je sais pas si Juliana, elle a jamais été ou quoi. Non, jamais. Mais ils se faisaient maquiller et tout sur place, hein. À Fantastica. Gras. Et là, voilà, ça fait quelques temps, il n'y a plus. Et pourquoi c'est quand même bien dommage que vous puissiez pas y aller. Non. Oui, parce qu'il n'en a que des films, je crois. Parce que vous avez un programme très... strict. Très chargé, puis voilà. C'est non. Christopher c'est strict. C'est Corinne, pour Christopher, on pourra supprimer un jour du collège comme le lundi pour aller là-bas, un jour. C'est fini maintenant. Oui, là, mais c'est fini. Mais ça ne servira pas. On n'ira pas au collège le lundi pour aller là-bas. Ah, maintenant, on ne supprime plus le collège comme ça. Hein. C'est pas facile. Hein. Mais après, c'est vrai que ça aurait été bien. Et que après, vous puissiez y aller. Avec vous Justine. Seriez rentré chez avec vous Justine. Le soir, maquillé avec des trucs. Avec non, j'aime pas le maquillage, ça fait des boutons. On pouvait y aller avec Justine. Oui. Pour faire quoi? Vous à la place, on travaillera pas, n'est-ce pas, Christophe? Non, déjà, tu n'auras pas accès au film. Oui, c'était... Mais par contre, vous avez accès à des ateliers. Ah oui, maquillage. Dont le maquillage et tout ça. Ah, il n'y a pas le maquillage, ça fait... Non ça ah, tu ne viendras pas, tu resteras après, chez c'est toi. C'est Zinedine, tu veux bien remettre le micro devant toi? Tu ne reviendras pas, tu resteras chez voilà, toi. Voilà. Bon, monsieur, mais c'est fini maintenant, Zuzu. D'accord, ça reviendra. Bon, tu n'emmèneras pas un jour, là, comme ça. Si. Tu seras pas maquillée. Non, faire voir autre chose que du maquillage. Et puis, tu peux peut-être voir des stars, hein. Faire signer des autographes. Après, on rend des autographes 1000 euros chacun. Hop. Alors, Christopher, lui, c'est voilà, des autographes pour les revendre après. Voilà, c'est vraiment le commerce tout le temps. L'argent. Tu passeras à moi quand tu auras des sous, hein, tu me les donneras. Il faut que ça sous. Rapporte. Les femmes, ils aiment bien, les fans des stars, ils aiment bien avoir les signatures des stars. Les fans? Ouais, les fans. Oui, bah, mais moi, toi. Bah, moi, c'est un jour, si on en vend, moi, je les vends pas, je les garde. Hein. Je les garde. Et moi, j'entendrai certaines visuelles se dire qu'on tous les stars que j'aime bien. Oh my god, c'est moi des cas. Comment? Le commerce. Oui, ça s'appelle le commerce. Oui, c'est... Et si attends. Corinne. Pourquoi pas, lui et moi, on fait un vide-grenier, on voit Christopher. Non. Timothée, tu veux bien te mettre correctement? On voit ta maison. Bon, bref, non, ça c'était des commentaires à Christopher. Voilà. Mon Tarzan, ton sien, voilà. Ah non. Après, vous vouliez aussi parler de votre sortie ski, pour ceux qui sont allés. Oui, je suis allé. Ah, il y en a au moins un. Alors, raconte-toi. T'as fait du ski de... fond. Fond. C'est dur? Un peu. Un peu. Est-ce que tu es tombé? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui, et puis, Zinedine, est-ce que tu y étais? Non. Non, alors tu laisses la parole à Timothée. Vas-y. J'ai tombé plusieurs fois. Oui. Est-ce que tu as eu mal, Timothée? Timothée nous a quittés. Non. S'il vous plaît. Non, je suis toujours là. Est-ce que tu as eu mal, Timothée? Oui, un peu. Alors, est-ce que, aux fesses, là. Est-ce que tu avais des bleus partout le soir? Non. T'avais pas de bleus? Non, je sais pas. Ah, tu sais pas, t'as pas regardé? Alors, est-ce que tu es prêt à refaire une sortie ski parce que vous y retournez demain? Tous, oh non, tout groupe. Si, Zinedine. Oh non, si. Les deux groupes. Vous y allez tous. Sauf toi, Corinne, c'est t'as au bout de travail. Ben non, parce que moi, je fais autre chose le jeudi. Je suis pas avec vous. Non, non, j'ai des enfants, mais pas vous. Des hommes. Café. Corinne, Jason, Raphaël. Oui, Jason et Raphaël. Corinne. Donc pas avec vous. Oui. Moi, Steven, demain on va aller à l'érable. Oui, demain vous allez aux érables à Épinal. Oh, faire quoi? Travailler. Travailler. Ah, vous travaillez vous tard maintenant. Grave. Ah, c'est bien. Bah, pose-lui la question. T'as entendu ce qu'il a dit, Christopher? Quoi? Vous travaillez à votre âge. Oui, on fait des... on commence à faire des stages. Hein. Je crois que t'as 18 ans, on a le droit de faire des stages. Bah non, tu peux en faire là. Ah. Toi, l'année prochaine, tu crois que tu vas faire quoi? Des stages. Des stages aussi. Et puis on va manger là-bas. Et manger là-bas. C'est un restaurant, c'est un restaurant 4 étoiles, 5 étoiles. Ah, je te dis pas. Par exemple, Teddy. Vous connaissez Teddy? Oui, Teddy. Teddy, il est venu longtemps à la radio Teddy aussi. Oui. Eh bien, Teddy, il est en stage dans la Meuse. Oui, je sais. Tu te rends compte? C'est pas tout près, hein? Donc ça veut dire qu'il rentre pas chez lui. Il n'y a que le week-end. Et 3 semaines, hein? Oh. 3 semaines, oh. Teddy. Ah. Alors, vous voyez, quand vous allez au CIF Pro, il y a quand même des choses, Juliana, elle peut en parler, qui vont changer pour vous, hein? Nous avons là le temps. C'est fini, youpi, les petits oiseaux. Il va falloir travailler un petit peu, là. On a le temps, ça va. Vous devenez grand, donc il va falloir... Mais on a le temps encore. Bah, à la rentrée, tu vas où? Au CIF Pro. Pas à la rentrée là. Tiens, la rentrée là. Si, hein. Fin août, tu changes de groupe. Hein. Camille aussi. Et Timothée. Non, moi. Et Jason et Raphaël aussi. Oui, aussi, mais ils ne seront pas forcément avec vous. Il y a plusieurs groupes à la CIF Pro. Oh, purée, en sens de groupe. Bah, tu devrais être content, ça veut dire que tu grandis. Ah oui. Bah oui. Non, moi. Ah, purée. Non, toi, tu es encore trop jeune, Zinedine. Ouais, Zinedine va rester avec Corinne. Et puis alors? Non, c'est un coquille en bas. On aura tous les potes. Toi, tu vas travailler un peu, voilà. Hein? C'est pour ça que tu es nerveux en ce moment. Moi, je pense que ça te travaille, Christopher, ça. Non. Non. T'es pas inquiet d'aller à la CIF Pro? Non, ça va. Oui, eh oui, dis de pas. De pas dit. Qu'est-ce que tu dis, Zinedine? Allez, de pas. Et toi, tu restes à côté, toi, tu restes à courir, et moi, je vais en bas. Non, mais Christopher, on ne demande pas de faire des grimaces. Non, ne cherchez pas. Zinedine, qu'est-ce que tu viens de dire? Parle doucement. Cherchez pas. C'est toi, allez chercher le pain. Ah, bah oui, il y en a qui vont acheter le pain. Je vais acheter le pain, c'est aucun rapport à... Dada. Si, si. C'est ce qu'on appelle de l'autonomie. Christopher Doc, c'est possible qu'il y ait des jours où on t'envoie chercher le pain. Avec Francisco, je crois que c'est le jeudi après-midi, non? Bah, il y a un jour, l'après-midi, ils vont faire les courses. Ils vont t'accompagner 2-3 fois, puis après, t'iras tout seul. Ah. Bah, tu le fais bien quand t'es à la Bresse, non? Oui. Oui. Et puis, ce qui serait bien aussi, c'est un jour que tu prennes le bus pour venir à l'IME. Pourquoi le bus? J'ai bien mon taxi, moi. Ah oui, mais c'est bien aussi de prendre le bus, hein. J'ai bien mon taxi, c'est montré que tu es autonome. J'ai bien mon taxi, moi. Ah, oui, oui. La radio, concul. La radio, tranquille. Oh. Ah, j'écoute ma radio, moi. Bah, tu sais, dans les bus, il y a aussi des radios. Oui, il y a aussi de la radio. Et encore, on met de la musique à fond. Il y a des belles filles pour toi. Oh, ouais. Non, je suis un peu stressée d'aller en bas, moi. Ah, t'es stressée d'aller en bas. Hop. Pourquoi? C'est pas stressée. Camille aussi va stresser un peu. Hein. Bah, est-ce qu'elle a l'air stressée, Camille? Non. Non, eh, regarde Timothée. Est-ce qu'il a l'air stressé? T'étais avec nous, là, Timothée? Qu'est-ce qu'on vient de dire là? Que je suis stressée. Non, non, on te demandait si tu étais stressée à l'idée de passer à la CIF Pro chez les grands. Non, je suis pas stressée. Non, de toute façon, Timothée, il est toujours zen. Il n'y a que toi qui est stressée. C'est bien. Oui, il y a toi. C'est après les vacances, là, on va en bas, c'est après Timothée. Hein. Courir, non. Ben, non, là, c'est les vacances de février. Ah. c'est après les grandes vacances Corinne. D'été. Ou à la masse. Au pire, pas peur. Corinne, au et puis, pire. Attends. Pardon. Et puis, il va y avoir des immersions. C'est-à-dire qu'une semaine, bientôt, Christopher, pendant une semaine, tu iras à la CIFPRO. Après une autre semaine, ce sera Camille. Et une autre semaine, ce sera Timothée. Corinne. Donc, vous aurez le temps de prendre vos repères quand même. Corinne, au pire, pour Christopher, je demanderai à Alba s'il peut faire travailler tous les jours. Tu vois, arrête, mets ta lésiate, tu vas voir tes lésiates. Non, mais c'est pas toi jardin. Qui décides, Christopher. Bah là, je sais qu'est-ce qu'ils font, les lésiates, ils font que ça. Arrête, papier, arrête, papier, arrête papier, d'avoir papier, peur. Stop. Papier, et puis papier. C'est bien, et puis c'est bien là-bas. Non, il faut toujours les mêmes choses. Puis, ah, les lésiates, ça te plaît pas. Et puis ça paye, ils sont payés. Ils sont même, non, même pas vreux. Qui bah, tant que vous êtes à la CIFRO, vous serez pas payés, hein. Non, mais les lésiates, ils sont payés. Ah bah oui, ça va, attends. Ils étaient même pas payés, ceux-là. Bah non, c'était des stages. En stage, vous n'êtes pas payé. Mais oh, quand mince. On sera à l'ESAT, on sera payé. Oui, à l'ESAT, c'est toujours la même chose. Bon, est-ce qu'on peut passer une autre chanson, Marc? Ah ouais. La mienne. Non, celle de Camille. Non, celle de Christopher, c'est de possible. L'argent. Je sais plus. Oui, voilà. Christopher, c'est la tienne. Oui. On va gagner de l'argent. À me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter cette solitude, tu me manques, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois toujours pas entrer. J'en perds mes mots. Que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Les souvenirs ne cessent de me hanter. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres, mais de ma mémoire tu disparais. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Encore toute une nuit à rêver de ton retour, mais le réveil me replonge dans ce cauchemar. Sans toi, je m'ennuie, je souris quand je pense aux discussions qu'on avait matin et soir. Je pense tellement à toi, parfois j'ai l'impression d'entendre le son de ta voix. Plus les années passent et plus je réalise à quel point j'avais de la chance de t'avoir. Tout semble faux, j'en perds. Supportera ton absence, je t'attendrai encore, encore et encore. J'attendrai que tu rentres. Corinne. Voilà la chanson de Christopher. Maître Gims. Alors, ensuite, aujourd'hui, je vous ai dit que c'était la... journée sans portable. La journée sans portable. Attention aux infos. Alors, est-ce que vous pensez que les gens n'ont pas trop de mal à s'en passer? Un peu. Je sais pas. Pas les sorties de terre. Déjà, Corinne, un peu, déjà Corinne. Ma soeur, elle va s'en passer, vu qu'elle a cassé son portable. Hein. Elle peut s'en passer, son portable. Ah bah, là, elle est obligée de s'en passer, hein. Et Camille, qu'est-ce que t'en penses, toi? La journée sans portable. Je sais pas. C'est-à-dire quoi, sans portable? Bah, ça veut dire que portable. Même si tu as un portable, tu l'utilises pas. Aïe, ouh. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour les gens? Non. Que tu, quand je vois ma soeur, elle est toujours après. Voilà. Ta soeur est toujours après. Facebook, ouais. Ma mère est souvent sur Facebook. Ouais. Photo, toujours. Est-ce que tu penses qu'elle pourrait s'en passer? Non. Non? Ouais, ça passe souvent, ils se disent pour appeler, tout ça. Ouais. Et Camille, est-ce que tu t'as un portable, toi? Non. Non. Marie, elle a un portable. Alors, est-ce que Marie pourrait se passer de son portable? Je sais pas. Tu sais pas? Est-ce qu'elle s'en sert beaucoup ou pas trop? Beaucoup? Ah oui, donc ça doit être compliqué. Hein. Timothée. Qu'est-ce que tu en penses de ça? D'un journée sans portable. Bah, c'est un peu... un peu dur, quoi, un peu... C'est dur? Mmh. Oui, bah, sans portable, hein, on peut rien faire. Hein. Après, comment ils faisaient, les gens, avant, quand il n'y avait pas de portable? Je sais pas. Mais c'est ceux qui sont... ceux qui veulent passer un coup de fil urgent. Ils peuvent pas. Oui, mais avant, quand il n'y en avait pas, comment ils faisaient les gens? Bah, ils vivaient. Bah, ils vivaient sans. Même les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi. Mmh. Oh! Est-ce que vous, si vous aviez la possibilité d'avoir un portable, vous en auriez un? Ah oui! Marie a commandé un portable, vous verrez bientôt. Oui, mais tu t'en servirais pour quoi, Christopher? Pour jouer sur le dessus. Pour quoi faire? Pour jouer dessus. Moi, j'en aurais à mes 15 ans. Ouais. Et toi, Camille? Je sais pas. Tu sais pas. Et Timothée? Est-ce que tu as déjà demandé un portable à tes parents? Non. Non? Est-ce que tu aimerais en avoir un? Oui. Oui, pour quoi faire? Pour faire tout. Faire tout. Jouer. Ouais, le problème, jouer, c'est que quand on a le nez dans le portable, bah, les autres, ils n'existent plus autour. Mais si. On a même Netflix sur le portable. Alors, est-ce qu'il y a des portables à l'IME? Non, sauf vous, vous avez des portables. Non, est-ce que les jeunes à l'IME, oui, ont des portables? Paul, il y en a un. Paul, il y en a un. Zinedine, il en a un. Fabien. Axel, il en a un. Fabien, il en a un. Nicolas Murat, il en a un. Oui, mais pas à l'IME. Si, Paul, il en a un à l'IME. Oui, mais est-ce que, par exemple, quand on est dehors, tous ensemble et tout ça, est-ce qu'ils ont le nez sur leur portable? Oui, Paul, hier, oui, il avait écouté de la musique. Ah oui, parce qu'on a dit que c'était... Interdit. Voilà. Sinon, vous commencez tous à être sur vos portables dans les moments récréatifs où vous pouvez être ensemble et discuter, ça, c'est pas très bon, hein. Oui, après, on va tous aller sur le portable. Hein? Oui, dans ce cas-là, tout le monde reste dans son coin, et puis... hein? Bah, oui. Donc, je trouve que c'est bien, moi, pas de portable si sur les moments-là. C'est bientôt mon anniversaire, le 2 mai, et j'aurai bientôt mon portable, elle m'a dit, maman. Oui, mais est-ce que tu vas l'emmener à l'IME? On verra bien. Ah, bah écoutez la musique. Et toi, tu l'emmènerais à l'IME? Non, ma mère a dit non. Moi, pourquoi? Si. Pourquoi? À cause des voleurs, des Lucas. Corinne. Ah oui, moi, Lucas, oui. Moi, si j'ai mon téléphone, je m'en sers pas dans l'IME. Je joue avec Camille. Tu discutes avec Camille, ouais. Parce que vous êtes grande maintenant. Je joue. Parce que quand vous jouez, là, vous jouez à quoi, Camille et Juliana? Moi, on hein? Discute. Moi, je joue au foot. Je fous. Ouais, puis avec Camille, tu joues à quoi? Oui, je sais pas. Au basket. Je fous. Non, Camille n'aime pas le basket. Vous discutez plutôt, non, que jouer. Juliane, Camille. Camille, elle n'est pas avec nous ce matin. Camille. Oh là là, Camille. Qu'est-ce qui s'est passé, Camille? Qu'est-ce qui va pas? Hein? Est-ce que tu te sens bien? Oui. T'as la grippe? Est-ce que grippe. Tu as mal quelque part? Non. T'as envie de astoumé? Non. T'as envie de quoi? Astoumé. T'as envie de vomir? Je sais pourquoi. Christopher, s'il te plaît. Oui. Ah bah oui, excuse-moi, j'avais pas fait attention. Bah oui, c'est sûr. Hein. Tu savais pas? Quoi? Tu savais pas qu'il était pas là? Si. Tu savais? Oui. Non, mais je pensais pas, voilà. Hein? Bon, bah voilà. C'est comme ça, hein, oh, Camille. Mais il reviendra. Il revient hein? Demain. Peut-être. Moi, je suis pas là. Je suis qui? J'ai cherché demain, moi. Ah, c'est ça, t'es contrarié. En plus, moi, je suis pas là demain, je suis qui, je verrai même pas. Mais tu sais, Camille, il sera pas là demain non plus. Hein. Parce que il a la grippe. Voilà. Et la grippe, il en a pour la semaine. Hein. Peut-être lundi, il revient. C'est pas un petit rhume, c'est la grippe. Tu vois, donc, à mon avis, il sera pas là avant lundi. Je me disais, sur son lit, tu sais, tous les mousseurs sur son lit, là. Qui? Axel, tu sais, la boîte de mousseurs, là, tu fais ça. Ah, non, non. Ouais, bah, rigolez pas, parce que ça peut très bien vous arriver, hein. Ça va, si, hein? Je suis immunisé, c'est pour lui, ça. Lui, il immunisé, sera pas là, à mon avis, qu'il va jouer avec son beau-frère. Oh non, il est tête de son lit, il est là, en train de se mousser. Ouais, puis il pense à Camille. Voilà. Il dit, oh, Camille, Camille, je vois pas Camille. Camille. Alors, je pense que lui, il est aussi malheureux que toi. Camille. Ah. Voilà, oui, il pleure dans son lit. Oui, c'est vrai. Ouais, Camille. Ouais. Camille. Camille, là. Non, Camille. Même pas l'appeler, elle a pas de téléphone. Qui? Camille. Bah, toi, tu peux l'appeler. T'as pas son numéro? Ah. Ah, bah, oui. Donc, bah, il faut écrire. À la lettre, comme vous le dites. Ah, les lettres, c'est bien, aussi. Puis tu fais des petits dessins avec et tout, ça va lui faire plaisir. Ah, hein? C'est le poteau. Bon, allez, on fait les... C'est toi, mon poteau. On fait le tout. On fait le petit test mémoire. Oui. Moi, je sais plus. Oui. Je sais tout. Alors, concentrez-vous. Timothée, s'il vous plaît, tu te rappelles ce que c'est le test mémoire? Le test mémoire. Oui. C'est quelque chose qu'on parle et qu'on doit deviner. Non, c'est Corinne, elle va te poser une question, non. Comme je sais pas qu'est-ce que t'as voilà, fait. Voilà. Et tu dois répondre à Corinne. Oui. Des tests mémoire. Pour le... D'accord. Bah, t'étais là la dernière fois, non? Bah si, il était là. Voilà, alors ça veut dire que tu t'en rappelles plus. Hein? Chut! Zinedine, non mais Zinedine. C'est pas parce que tu fais ça que ça va revenir mieux, hein, Zinedine. Allez Corinne, allez Corinne, non non, allez Corinne, top. Vous arrêtez, vous calmez. Alors la première question, hein, pour éviter que Zinedine ne se tende encore plus. Zinedine, c'est toi qui auras la première question. Ouais. Non, alors les autres, je veux pas vous entendre. Zinedine. Qu'est-ce que tu as mangé au collège hier à midi? Et les autres, vous vous taisez. Pourri! Tu as bien enlevé tes mains, là. Pourri! Alors. Pourri! Non, courir. Zinedine, arrête de le bouger, tu vas le faire tomber. Pourri, moi. Pourri! Zinedine, côte-côte, oui, mais on a compris, poulet, côte-côte, oui. Zinedine, il n'y avait pas que ça, Timothée. Il y avait quoi? Ouais. Par exemple, dis-moi ce que c'était le dessert. Fouille. Bravo. Alors, Zinedine, il a dit poulet, parce que hier, c'était repas chinois, et les samoussas, ils étaient au poulet. Donc, Zinedine a raison, et il a donné le dessert. Donc, très bien, bonne mémoire, Zinedine. À qui? Bravo. Eh bien, Steven, qu'est-ce que tu as fait hier après-midi, Steven? J'étais avec toi. Ah ben oui, mais tu as fait quoi? Ah oui, j'étais avec Francisco. Ah donc t'étais pas avec moi? Non. Oui, et on était en course. Bien, bravo Steven. C'est bien. 6 points, 6 points. Non, il n'y a pas de points. Ah, Timothée. Timothée. Reviens avec nous. Oui. Pose tes mains sur la table. Alors, Timothée, hier, tu es allé à la médiathèque. Et j'ai choisi des livres. Alors, donne-moi le nom d'un livre que tu as choisi. Les autres ont sauté. Game Over. Game Over. Oh, j'aimerais un autre, parce que celui-là, c'est toutes les semaines, pratiquement. Alors, un autre que tu as choisi. Zombillenium. C'est les deux que tu as choisi? Oui. Oui. Alors, j'ai une autre question, parce que comme c'est souvent les mêmes livres, hein, j'ai une autre question pour voir si tu as bonne mémoire. Avec qui es-tu allé à la médiathèque en sautant hier après-midi? Avec... Je ne sais plus. Tu veux dire quoi? Non, mais moi je le sais. Donc, non. Parce que hier, c'était pas comme d'habitude. Justement, c'est pour ça que je te pose la question là. Tu trouves plus le nom. Ah, bon. Eh ben, alors Camille, quel livre as-tu choisi hier? Le titre? Garfield. Ok, Camille. Christopher. Et Corinne, oui. Je ne sais plus le deuxième. Ah, et toi? Comme livre. Quel livre, oui? De Game Over. Bah, lui, tu ne le notes pas. Et est-ce que tu peux dire, par contre, qui était avec vous hier à la médiathèque? Camille. Non, non, pas les enfants, les adultes. Ah, attends. Oh, je vous rappelle que hier, c'était pas comme d'habitude. Moi, je sais quoi. Ah, Léon. Mais c'est Léon, c'est pas une éducatrice. Est-ce que Léon, c'est un éduc? Non. Oh, allô, de Léon, lui. Il n'est pas là, Léon. Je sais qu'il y avait comme adulte avec vous. Moi, je sais quoi. Pour aller à la médiathèque. Ah. Oh là là. Oui, vas-y. Je sais. Vas-y, Camille. Il y avait Fanny, ah, oui, Fanny. Et Isabelle. Voilà, merci, Camille. Ah. Oh. Et ben voilà, c'est sur le dernier mot de Camille que nous allons rendre l'antenne. Saluer tous nos auditeurs et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission des ados. Une playlist. Oui. Donc au revoir et bonne journée à tous. Au revoir. C'est la Cacahuète. La petite Noé veut plus parler. Cacahuète. La Mikao, ma Mikao. Cacao. La petite Ramel m'est infidèle. Me mine le moral. Calibac. Mamselle, son long me traite de con. C'est la tête. Cacahuète. Mamselle Gibi.